Soleil, toi qui viens de loin, toi qui connais bien le secret des fleurs. Soleil, dis-moi si l'amour fera son jardin dans mon cœur. Toi qui fais renaître les jours, toi qui fais du je vois du bleu.